Et bonjour à toutes. On est samedi et c'est l'heure de la consultation du docteur Disco. On commence avec la découverte du jour. Blue Phaser et son titre Let's Funk Tonight. Tonight, vont débuter notre émission. On ne peut pas mieux comme titre, non ? Le groupe est néerlandais et le titre est extrait de leur premier album Phaser Funk, sorti en 1982. Le titre se classera numéro 2 aux Pays-Bas et top 17 en France. Le groupe a été créé en 1980 et son nom fait référence aux Amérindiens. Le groupe sortira deux albums et se séparera en 1985. Bon funk. Aujourd'hui, dans notre rubrique des 100 hits, on va s'attaquer à Barabbas et à son Wild Safari. En 1972 à New York, le crime et la pauvreté sont tels que les esprits et les corps cherchent à fuir cette morosité. C'est dans le loft du DJ Mancuso que les fiévreux du samedi soir se réfugient le temps d'une nuit et d'un voyage à travers les rythmes afro et latino. Après avoir préparé la piste avec l'afro-funk de Sol Makosa de Manu Dibango, Makuso fait monter la température avec ce disque obscur qui devient, grâce à lui, un incontournable des clubs branchés. Alors le groupe y choisit le nom de Barabbas, parce que c'est un personnage des évangiles préféré par la foule à Jésus pour être libéré par Ponce Pilate. Wild Safari est leur premier single. Il débute sur un rythme de conga et de triangle. S'ajoute ensuite par couches successives un chant féminin hippie, un riff de guitare rock, un peu d'orgue et le battement d'une grosse caisse. Quand arrive le pont, le groove devient plus festif, les instruments et les voix se libèrent et s'expriment plus joyeusement. L'alternance des deux parties sont autant de facteurs de ce succès incroyable. Un autre de leurs morceaux marquera les débuts du disco, Hit Jack. Wild Safari apparaît en 2016 dans la série Vinyl, une manière de rappeler leur influence dans la genèse de la culture disco. C'est parti! Disco et Mr. Funk sur Fadjet. On enchaîne sur la BO avec un extrait des You Can Stop the Music. Encore les Village People, me direz-vous. Eh bien oui, car ils ont 90% des titres. I Love You to Death n'est pas le morceau le plus connu, mais vous allez être étonné, surtout par la voix du chanteur. Il ne s'agit pas du chanteur habituel et vous allez le découvrir maintenant. Maxi, on va faire une entorse à notre émission, on va écouter un titre non disco funk. J'ai envie de vous faire entendre un titre qui donne la pêche. Phil Collins et Philip Bailey, le chanteur de Earth, Wind & Fire, comme cela on reste quand même dans le thème, vont vous interpréter Easy Lover. Bon, là tout le monde connaît. Elle est sortie en 1984 aux États-Unis et en 1985 en Europe. Le titre, qui apparaît sur l'album solo China's World de Philip Bailey, est certifié disque d'or. Alors il va être numéro 1 dans de nombreux pays dont le Royaume-Uni et sera numéro 2 aux USA. C'est Phil Collins qui va produire l'album. Alors d'après Collins, Philip Bailey lui a demandé d'écrire une chanson qu'ils pourraient chanter ensemble. Dans une interview parue en février 2016, Collins indique « Nous avons commencé à improviser ensemble un soir en faisant tourner un couplet et un refrain. Nous l'avons enregistré cette nuit-là de façon à ne pas l'oublier. Cette chanson ne ressemble à aucune autre. Elle est tout simplement fantastique. Ah, je vous laisse vous en rendre compte par vous-même. Easy love. arrive au terme de notre émission et c'est maintenant au tour de la pépite d'enchanter nos oreilles. J'ai choisi de vous faire écouter Billy Ocean et son Mystery Lady. Extrait de l'album Suddenly, le titre sort en 1985 et atteindra la 10e place des charts US. Encore une ballade parfaitement illustrée par la voix de Billy Ocean. Alors c'est sûr que c'est pas son titre le plus connu, mais il vaut quand même le détour, croyez-moi. Bonne dégustation. Can I spend the night with you? Ooh. Can I have your number? Whoa. I'd be anything you want me to. Ooh, we ought to get something started. Ooh, I can tell so very well. He has left you brokenhearted. It's time to start mending your heart. There's about a kiss some way. And you can bet your bottom dollar, oh, I'll do anything to make you stay. Oh, so let's get something started. Why hesitate? Girl, I can't wait. There is so much that you're missing. You're missing the fire in your eyes. You can't disguise. So don't. Alors, comme il nous reste encore un peu de temps et que j'ai pas envie qu'on se quitte comme ça, je vais vous diffuser un extrait de ma playlist, un titre que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est The SOS Band, Take Your Time, que je dédicace à Aline. Allez, c'est tout de suite. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis bonne semaine et à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye. We'll be right back.